revoir, je pars, je prends ce train sur lequel la gare. Se revoir, te revoir, se reconnaître, se connaître et se rencontrer. Je pars, je prends ce train sur lequel la gare. Se revoir, te revoir, se reconnaître, se connaître et se rencontrer.